On va parler de baseball avec notre ami Bruno Boudreau. Salut Bruno. Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Une nouvelle qui vient de tomber, d'à peu près, ça fait à peu près 1 heure, ça, même pas 30 minutes que je viens d'avoir l'alerte. Josh Donaldson placé sur la liste des blessés. C'est pas vraiment surprenant parce que depuis le début de la saison, dans le cas de Donaldson, on ne sait pas ce qui se passe. Tu sais, il s'est promené comme frappeur de choix. Il n'est pas venu à Montréal par rapport à ce que, appelle-toi le gazon synthétique. Il disait que le gazon synthétique allait nuire. À la nuit, et là, finalement, ben, il vient de tomber sur 10 jours sur la liste des blessés. Oui, puis comme on a vu dans le cas de Donaldson, ils l'ont reposé à quelques moments cette semaine. On lui donnait des pauses de 2 jours. On a vu, entre autres, un moment contre les Orioles où on se demandait pourquoi on ne l'amenait pas comme frappeur suppléant. Puis ça avait été bien décidé du côté des Jays qu'on lui donnerait une journée de repos. Puis on pensait que peut-être que la journée de repos aussi d'aujourd'hui, ça serait d'hier plutôt, ça serait suffisant pour qu'il soit remis pour jouer aujourd'hui. Ça a bien l'air que ça suit, là, c'est un peu le cas de Donaldson. On parle souvent des possibilités de signer Donaldson à long terme, mais c'est un gars qui a passé quand même un certain nombre de temps sur la liste des blessés des dernières années. Fait qu'on espère que ce ne sera pas quelque chose qui va le suivre toute la saison, mais comme tu as mentionné, c'est quelque chose qui suit depuis le début du camp d'entraînement. Par contre, du côté des Jays, j'ai hâte de voir là, avec Solarte qui est très polyvalent. C'est une bonne acquisition jusqu'à maintenant. C'est un gars très, très polyvalent. Donc, on va sûrement le voir au troisième but. Oui. Il y a également, donc, ça peut, à court terme, je pense, les Blue Jays peuvent s'en sortir, mais il ne faudra pas trop que ce soit là. Non, puis on pourrait peut-être, c'est un peu peut-être loin, mais on pourrait peut-être voir un gars comme Russell Martin avoir un ou deux départs aussi au troisième but pour reménager ses genoux aussi derrière le marbre. C'est peut-être une solution qu'on va regarder, dépendant de la durée de l'absence de Donaldson. Comment les Blue Jays qui sont à 8 victoires, 5 défaites, déjà plus de victoires que l'an dernier, au mois d'avril, on sait que c'est. On l'a dit, Bruno, je l'ai dit au début avec. Tu gagnes pas le championnat au mois d'avril, mais tu peux le perdre, par exemple. Puis les Blue Jays, c'est le plus bel exemple, c'est les Blue Jays. Et là, déjà d'avoir plus de victoires, ben, à tout le moins, c'est un bon départ. Écoute, ça a pris 25 matchs l'année passée, Dan, pour avoir 8 victoires, puis cette année, ça en a pris 12. Fait qu'on voit vraiment toute la différence là, du côté des Jays, qu'est-ce que ça a comme début de saison. Puis moi, ce que j'aime dans ce que je vois, c'est un gars comme Aaron Sanchez qui lance super bien. Il a manqué lancer un match sans point ni coup sûr cette semaine. Un gars comme Roberto Osuna qui est 5 en 5 en situation de sauvetage, qui a vraiment repris confiance en ses moyens. D'ailleurs, le plus jeune lanceur à avoir 100 parties sauvegardées. Je pense qu'il a dépassé Francisco Rodriguez. Oui, à 23 ans seulement, donc vraiment un beau, beau début de carrière. Puis aussi, l'autre chose qui est bien du côté des Jays, c'est vraiment on frappe des coups sûrs opportuns dans les situations opportunes. Et puis ça vient d'un peu partout dans l'alignement. On parlait entre autres avant de rentrer en nombre de Curtis Granderson, qui connaît un excellent début de saison. Donc, il y a quelques bonnes acquisitions ici et là du côté des Blue Jays. Puis on l'avait dit, hein, pour que les Blue Jays se maintiennent dans la course cette année, il y a deux clés. Il y avait la première clé, c'était d'avoir un bon début de saison, on est là. Puis la deuxième clé, c'était d'avoir une équipe en santé. Parce qu'on avait plusieurs vétérans. Là, on voit que Donaldson qui peut commencer à manquer du temps. Donc, on va espérer que ce ne soit pas une période qui est trop longue. Mais c'était vraiment les deux clés. Puis au moins, la première est en voie d'être atteinte, le début de saison. Puis quand tu regardes les prochains matchs, en fin de semaine, c'est 3 matchs à Cleveland pour les Blue Jays. On revient à la maison pour jouer contre Kansas City, 3 rencontres. Puis ensuite, du 19 au 26 avril, c'est 7 matchs en 7 jours. 4 à New York et 3 contre les Red Sox à domicile. Alors là, c'est des matchs qui vont devenir excessivement importants. On a bien fait en début d'année contre les Yankees en partageant la série de 4 matchs. Mais avec le début de saison des Red Sox, puis ça va être des grosses séries qui s'en viennent pour les Blue Jays. Donc, c'est important de partir sur la saison sur le bon pied. Effectivement. On va se parler de Shohei Ohtani, qui est vraiment là. Écoute, je le regarde, moi, je l'ai regardé de son départ contre les East Oakland. C'était dimanche dernier. Après 6 manches, je pense qu'il a donné son premier coup sûr en 7e manche. Il lançait des balles de feu, comme Jacques Doucet disait. Il la poussait. Il lance des balles à pas loin de 102 000 à l'heure. Il est incroyable. Et comme frappeur, déjà 3 circuits. Moi, je me rappelle, au camp d'entraînement, on disait que comme frappeur, il était de calibre A high school, même de ça. Mais c'est pas du tout ça, là. Hier, encore un trip opportun hier. Quel début de saison. Puis c'est rafraîchissant pour le baseball. Oui, ben vraiment. Puis tu sais, dans le fond, faut pas commencer à regarder ce qui va ralentir ou pas. C'est sûr qu'il va ralentir. C'est impossible de garder une cadence comme ça. Écoute, même Babe Ruth n'a jamais fait ça, de gagner 2 matchs dans la même semaine puis frapper 3 circuits dans la même semaine. C'est du jamais vu. Puis c'est ça, comme tu as dit, c'est rafraîchissant. C'est une belle histoire. C'est un beau sujet. Les Angels sont en feu aussi avec 11 victoires, 3 défaites en début de saison. c'est une super belle histoire. Fait que, tu sais, faut pas non plus regarder plus loin que ça, puis commencer à regarder les points négatifs pour revenir sur le camp d'entraînement, à quel point il y avait des difficultés. Mmh. Il y a un bon début de saison. C'est rafraîchissant, puis il a demandé, là, on voit qu'Otani demande à l'équipe de jouer un peu plus, mais on va être prudent du côté des Angels. Hein. On veut protéger son bras, comme mentionné sa performance. On s'assure, dans le cas d'entraînement, Dan, il se faisait faire des points, ça n'avait pas de bon sens, puis oui, il a affronté deux fois, bon, les Aces d'Oakland ne connaissent pas un grand début de saison, mais comme tu as mentionné, ça reste son contrôle de la balle est beaucoup mieux qu'il était au niveau du cas d'entraînement. Mm-hmm. Puis, tu sais, même s'il y a des bonnes performances comme frappeur, on s'entend que la priorité numéro un pour les Angels, c'est de l'avoir comme l'ensemble. Puis la façon qu'il s'est comporté depuis le début de la saison, je comprends qu'on soit prudent aussi à ne pas lui donner trop de départ comme frappeur désigné, parce que l'important, c'est quand il arrive au monticule, qu'il soit en pleine possession de ses moyens, qu'il soit capable de donner les 5, 6, 7 bonnes manches, comme il a donné dans ses deux premiers départs. Il lance dimanche contre les Royals à Kansas City, contre Jason Hamels. Donc, les gens qui ont LMB X-Training vont pouvoir, comme moi, là, qui vont pouvoir le regarder. Ça a brassé pas mal. Tu sais, on l'a souvent dit que les Yankees et les Red Sox étaient la plus grande rivalité du monde du sport. Tout sport confondu, puis ça va aussi encore pas mal cette semaine, il y a des suspensions. Oui, puis c'était vraiment, écoute, c'est rare que tu vas voir ça en début d'année, puis il y a eu deux bagarres dans la même journée avec Nolan Arenado du côté des Rockies, qui a été suspendu également après son altercation contre les Padres de San Diego. Puis dans le cas des Padres puis Arenado, je pense que c'est comme un cas plus ponctuel. Il y a eu des blessés du côté des Padres sur plusieurs joueurs atteints par les Rockies la semaine passée, puis là, ben, on a voulu passer un message. Puis ça n'a pas passé dans le cas de Arenado. Ça, on peut le comprendre. Dans le cas des Yankees puis des Red Sox, ben, ça fait une couple d'années qu'on dit que la rivalité est un petit peu plus drabe. Hein. C'est encore une rivalité, mais il y a peut-être moins les caractères bouillants qu'on voyait dans les années 2000, les Jason Veritek et Pedro et tout ça. Et là, on a senti vraiment que il y a aucune des deux équipes qui allait se laisser plier sur les pieds. On voit que les Yankees, c'est un début de saison plutôt difficile. Stanton, ça a vraiment des ennuis en début d'année. Les Red Sox sont partis en feu, puis on a senti qu'il n'y a aucune des deux équipes qui, tu sais, les Red Sox voulaient passer un message que vous nous intimiderez pas, puis on est parti pour la gloire. Puis d'autre côté, les Yankees, c'est pas parce que vous avez gagné 10 matchs en 11 qu'on sera pas dans le coup. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment de bonne guerre. Moi, j'aime ça. J'aime pas les bagarres, puis j'aime pas les lancers, là, qui visent les frappeurs. On se trompera pas là-dessus. Mais par contre, les deux équipes, quand ça a été le moment de démontrer de la solidarité, puis de montrer une force face à l'autre équipe pour démontrer qu'on était dans le coup. Les deux équipes ont démontré vraiment qu'ils n'avaient pas peur, puis ça risque d'être vraiment une belle rivalité pour la saison. Puis tu l'as dit, c'est probablement la plus grande rivalité dans le monde du sport. Puis comme n'importe quel sport, les rivalités en santé, c'est ce qui amène la santé financière aux organisations. Fait que si les Red Sox et les Yankees continuent cette saison à jouer avec la même intensité, puis que ça s'en va vers une course au championnat, en août puis en septembre avec des joueurs charismatiques comme on a des deux équipes, ben ça va être des codes d'écoute, ça va être payant pour le baseball, puis c'est ce qui est mieux pour le sport. Effectivement. Début de saison maintenant, les surprises et déceptions. Écoute, les Pirates de Pittsburgh, ça va se replacer. Là. 9 victoires, 3 défaites. Ils ont échangé Andrew McCutchen, ils ont échangé Garrett Cole. À 9-3, je pense que ça ne durera pas. Les Mets à 10-1, ils ont eu des blessés l'année passée, mais c'est un excellent début de saison. Là. Oui, vraiment, les Mets, c'est l'équipe un peu, je dirais, dans ceux qui ont des bons débuts de saison. Tu regardes les Diamondbacks à 9-3, bon, c'est une équipe qu'on voyait quand même dans les séries, possiblement. Les Angels, je l'ai parlé à 11-3, les Red Sox, évidemment, qui sont presque inarrêtables, mais eux aussi, on les voyait en série. Puis dans le cas des Pirates, ben, tu l'as bien dit, je pense qu'on n'a tout simplement pas les ressources là, pour être capable de garder ça, mais les Mets, c'est vraiment l'équipe énigmatique. Hein? C'est une équipe qui, si elle est en santé, a probablement une des meilleures rotations du baseball majeur, des bons releveurs qui ont la blessure de en partant des bons bras aussi. La blessure de Syndergaard l'année passée, ça a dû faire mal. Ça fait mal. Ben, ça fait mal. Puis tu parles de Syndergaard, mais il y a DeGrom qui a manqué du temps dans les dernières saisons. On dirait que tous les lanceurs ont passé un séjour sur la liste des blessés. Puis on oublie, parce qu'on est rendu dans le monde du sport, on vit plus dans l'instantanéité, mais on oublie que les Mets, il y a 2 ans, ils étaient en série mondiale. Fait que c'est une équipe qui, quand ce personnel de lanceurs-là produit à pleine capacité, a les ressources pour aller loin, autant en saison que dans les séries. Où est-ce que ça pourrait justement, le bas pourrait blesser dans le cas des Mets, c'est est-ce qu'il y aura des blessures? Puis inévitablement, probablement qu'il y a un groupe susceptible de blessures comme ça, il y en aura. Puis l'autre chose, c'est est-ce qu'on sera capable d'améliorer quelque chose dans l'organisation? Est-ce qu'on a les bons jeunes pour être capable de faire des mouvements au milieu de l'été? Est-ce qu'on voudra dépenser un peu d'argent aussi pour ce mouvement-là? Puis en même temps, ben, il faut profiter du fait que les Nationals ont un début de saison, je dirais pas catastrophique, la 6 victoires, 7 défaites, mais ça commence lentement pour les Nationals. Puis la chance pour les Mets, ça va être vraiment de rester le plus longtemps possible en avant de Washington parce que Washington a trop un bon club pour être dans une situation autour de 500 tout le long de la saison. Fait que tant mieux pour les Mets, mais est-ce qu'ils vont être capables de garder ça? Pour moi, c'est la santé. Si Syndergaard, DeGrom, tout ça sont capables de lancer, pas d'enjeu, mais dès qu'un de ces bonhommes-là va tomber, la profondeur est vraiment pas là au niveau des lanceurs partants après ça. Les Braves à 7-5, écoute, moi, je les ai mis pas loin du meilleur deuxième. Ils vont être en lutte, ils ont des bons jeunes. Puis ça, écoute, si c'est pas cette année, c'est l'an prochain, mais les Braves s'en viennent à grande vitesse V. Les Yankees, ouais. 6-7. Stanton, il y a eu un match de 5 retraits sur des prises plutôt cette semaine. Ouais. On l'a dit, hein. George et Stanton, oui, c'est spectaculaire. Oui, c'est peut-être minimum 100 circuits à l'E2. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup de retraits sur des prises également. Puis, regarde, écoute, Stanton, 5 retraits sur des prises, là. Oui, puis tu sais, dans le fond, je pense que du côté des Yankees, c'est un peu comme je viens de dire avec les Nationals, il y a trop de talent dans ce club-là pour que ça se maintienne autour de 500, mais il va falloir quand même se réveiller rapidement parce que les Red Sox, comparativement aux Mets dans l'autre division qu'on vient de parler, les Red Sox, je pense pas qu'ils vont ralentir beaucoup. C'est une équipe qui va connaître des passages à vide, certainement, mais c'est une équipe qui a beaucoup de ressources comparativement, par exemple, aux Mets, s'il y a des blessures ou autres. Donc, je pense que du côté des Yankees, ça va être important de replacer le navire, mais c'est sûr que Fallait pas s'attendre quand même à quelque chose de super rapide pour eux. Tu sais, l'arrivée d'un gars comme Stanton, on a parlé souvent d'Aaron Boone, hein, nouveau gérant, après l'ère de Joe Girardi. Oh, ouais. C'est peut-être normal un peu que ça prenne certaines semaines à tout se mettre en place. Puis c'est pas catastrophique parce qu'encore une fois, à 6-7, on est autour de 500. Mais ça reste que quand tu regardes la façon avec laquelle les Red Sox jouent, ils ont gagné la série cette semaine contre les Yankees. C'est sûr que pour New York, là, ça c'est tôt dans la saison, mais ça replace quand même un message qu'il va falloir qu'on se réveille et qu'on commence à jouer un peu mieux rapidement. C'est clair. Hey, les Dodgers 4-7? Ben écoute, les Dodgers, il y a des blessures aussi. Tu penses à un gars comme Turner qui n'est pas là depuis le début de la saison. Il y a eu plusieurs quand même mouvements aussi de personnel dans cette équipe-là, des vétérans qui sont partis, même s'ils n'ont pas beaucoup joué l'an dernier. Il y a des gars qui sont revenus comme Matt Kemp, Yasiel Puig, qui connaît un début de saison difficile. Donc, on voit que c'est pas le début de saison qui était escompté du côté des Dodgers. La bonne nouvelle, c'est que c'est quand même seulement 11 matchs de jouer, puis ils sont quand même pas trop sous la barre de 500. C'est pas assez pour s'éloigner, comme on voit déjà d'autres équipes qui eux, là, comme on regarde par exemple les Reds à 2-10 ou les Marlins là, à 3 victoires, 9 défaites. C'est ce genre de fiches-là dans lesquelles, généralement, en plus, avec un talent limité, tu te remets pas. Dans le cas des Dodgers, ça va être assez. Ils ont assez de talent pour rapidement se remettre. Puis ce qui arrive aussi du côté des Dodgers, c'est qu'on marque pas de points. Ils ont marqué seulement 39 points depuis le début de la saison. Puis ça les place dernier dans la ligue avec les Marlins. Donc c'est sûr qu'avec Tobo a pas accordé beaucoup. Ils ont juste accordé 43 points. Donc ils jouent des matchs assez serrés. Mais ça reste que ça va falloir qu'à un moment donné, l'offensive en donne plus. Puis un gars comme Turner, quand on va revenir, il risque de solidifier un peu le rôle offensif aussi. Hey, en terminant, Bruno, je veux te parler, je t'en ai pas parlé, mais je veux te parler de la Ligue Can-Am, deux secondes. Parce que la Ligue Can-Am, il y a eu une nouvelle qui est sortie cette semaine, je ne sais pas si tu l'as vu passer, Matt Latos, tu te rappelles de lui? Oui. Il a signé avec les Jackals du New Jersey. Et ça commence à être un gros nom quand Matt Latos signe avec les Jackals. Question, tu sais, ça a été un poisson d'avril, là. Tu l'as vu passer, le poisson d'avril, José Bautista avec les Capitals. Ouais. Mais Michel Laplante, là, il pourrait... un gars, tu sais, tu fais signe Bautista pour un mois. Tu sais, il est chez eux, là. Ouais, ben, ce serait pas un coup de marketing terrible, ça? Ben, il pourrait avoir un stun publicitaire. C'est sûr que, tu sais... Plus ça avance, plus la Ligue Can-Am a quand même gagné de la notoriété au cours des années. Puis de voir un gars comme les Toasts vouloir venir, puis tu sais, lui, il n'est pas fou non plus. Il arrive dans une situation où il a une opportunité de jouer, de continuer à jouer au baseball. Il peut continuer à se faire voir au cas où quelqu'un voudrait faire un signe de main. Mm. Puis tu sais, il a eu son temps aussi dans le baseball majeur. C'est un gars qui a été vraiment ravagé par les blessures. 71 victoires, 59 défaites, c'est quand même... C'est les blessures. C'est vraiment les blessures dans le cas de Leto. C'était un des meilleurs lanceurs de la Ligue nationale pendant un certain temps. Mais c'est les blessures qui l'ont considérablement ralenti. Puis, mais ton point est bon. Puis c'est pas quelque chose qu'on a. C'est quelque chose qu'on a déjà fait aussi du côté des Capitals. On a qu'à penser à Éric Gagné à l'époque, là, qui remplissait le stade puis qui a vraiment redonné comme un coup de souffle à la Ligue. Fait qu'on c'est un poisson d'avril. Puis ça serait très surprenant de voir un gars comme Bautista. Mais ça. Sans arriver jusqu'à un gars comme José Bautista, il y a quand même certainement plusieurs noms qui, peut-être éventuellement, pourraient venir sous une forme ou une autre, donner un coup de main comme ça, puis amener un coup de publicité comme ça pour les Capitals. Plutôt que de rien faire chez eux, tu dis à Batista, tu signes un contrat d'un mois, libéré tout de suite, ça serait tout un stunt publicitaire. Ouais, puis j'ai hâte de voir dans le cas de Batista, on n'en entend pas beaucoup parler non plus. T'sais, dans le cas d'entraînement, on se dit qu'il y a sûrement une équipe qui va lui donner un essai d'un mineur ou quelque chose, puis silence radio complètement. Fait que c'est drôle quand le stunt a passé du poisson d'avril sur le site des capitales. J'ai regardé ça puis je me suis dit c'est vrai, Batista, on entend zéro parler. Mm. J'étais allé voir un peu, lire un peu, puis c'est présentement, il n'y a absolument rien, pas de développement. Puis ça serait pas surprenant que ce soit peut-être fini pour José Batista. Ouais, effectivement. Bruno, un gros merci, puis on se reparle dans 15 jours. Merci, Dan. Bonne journée. Bruno Boudreau, notre collaborateur de baseball.